Activité 12. Oh là là, le pauvre, il n'est pas trop chargé? Mais non, il a l'habitude. Il peut porter jusqu'à 100 kilos. Un pompon. Bon ben, tout le monde est prêt, je crois qu'on peut y aller. Bien, alors messieurs, dames, ce matin, on monte dans la montagne. Ouais! On va marcher 3 heures environ, avec des pauses, direction le petit village de Pradel. Je pense qu'on y arrivera vers midi et demi. Et c'est là-bas qu'on va pique-niquer? Exactement. On s'arrête là-bas. On va y rester le temps de manger tranquillement, de se reposer, et on en repartira vers 2h30. Et les ânes, ils pique-niquent aussi? Non, les ânes, ils vont boire à la fontaine du village, mais ils mangeront seulement en arrivant, ce soir. On arrivera tôt au gîte d'étape, vers 4h30. Allez, c'est parti!